Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un duo de choc pour nous faire rire. 1er janvier 1993, passage à l'Europe. Deux douaniers, l'un belge, l'autre français, apprennent la disparition prochaine de leur petit poste de douane fixe situé dans la commune de Courquin, France et Courquin, Belgique. Papa est dans quel pays, là ? En Belgique. La Belgique qui est ? Le plus beau des pays. Là, je suis dans quel pays ? Dans la France. La France, c'est un pays de gros ? De gros abrutis. Exact. J'ai tous les droits quand il s'agit d'empêcher l'invasion des camemberts dans mon pays. À quelques semaines du passage à l'Europe, votre zèle anti-français est très mal perçu. Anti-français ? Moi ? Non, je suis le plus francophile des Belges. Je voulais dire à ton frère de se détendre. Dégage. Essaye d'être gentil avec lui. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de se parler gentiment juste une fois ? Refais l'accent belge. Et je t'explose ta gueule, t'as compris ? Je te jure que je faisais pas l'accent belge. Ah non ? Mais une fois, une fois ! Non, je fais l'accent belge une fois. Oui, ça, j'en sais, frère. Nord de frette. Sale frousse de merde ! T'as parlé à mon père ? Ah non. À mon frère, alors ? Ah bah non. Seigneur, faites que l'Europe ne se fasse jamais ! Il nous faut un volontaire pour expérimenter une brigade mobile mixte. Homme-femme. Franco-belge. Rien à déclarer de et avec Danny Boone et aussi Benoît Poulvorde. Un DVD Fox Pathé Europe 1.